Alors, bonjour à tous. Donc, Léa Génis, je suis doctorante à l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive au laboratoire Crater ici à l'ENSAG. Et j'ai commencé mon travail de thèse depuis un peu plus de 2 ans sous la direction de Hubert Guillot, ici présent du laboratoire Crater, et de Michel Rothenberg, ethnologue à l'université de Saint-Étienne, que j'excuse aujourd'hui, il n'a pas pu se déplacer. Donc j'ai intitulé ma présentation « Comment ça tient ? Enquête dans les parcours de projets de réhabilitation du bâti ancien en privé en Isère ». Donc je vous expliquerai un peu ce titre. Pardon ? C'est un peu anxiogène comme question. Anxiogène, non mais ne vous inquiétez pas. Mais en fait effectivement il y a un double sens dans ce « Comment ça tient ?» qui va nous amener au fil de la présentation, en tout cas on pourra en rediscuter à la fin. Donc avant d'en venir justement au cœur de cette présentation, je vais juste revenir rapidement sur ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet-là, donc la réhabilitation du bâti ancien empisé, après une formation en anthropologie de l'environnement, ce qui me permet de rappeler que je ne suis pas architecte mais ethnologue de formation, ce qui impacte sans doute mon approche du sujet. Voilà. Donc en fait, suite à un stage de master au laboratoire Crater, j'ai été invitée à travailler sur cette approche ethnologique d'une question qui est traitée par le laboratoire depuis la fin des années 1970 dans le cadre de ses recherches sur bâti en terre crue en général. Donc si les recherches du laboratoire ont une portée à la fois internationale et locale, nous avons décidé d'analyser cette question au prisme d'un territoire qui est beaucoup plus proche et qui est situé au nord du département de l'Isère. Donc les zones en orange, marron sur la carte sont les zones, les communes qui représentent du bâti ancien empisé en Isère. Donc c'est à peu près le territoire d'étude sur lequel je travaille. Ce sont des bâtis qui présentent une grande diversité de typologies et de fonctions, on le verra par la suite. Donc mon travail de recherche, il avait déjà commencé en 2014 par une première recherche exploratoire et s'est structuré en projet de thèse début 2015. Une fois le sujet précisé, j'ai passé un certain moment sur le terrain, entrecoupé de phases d'analyse et de rédaction. Et là, je suis en train de finaliser l'analyse de mes données, structurer le cadre théorique et épistémologique de ma recherche pour définir un plan de rédaction pour l'année à venir, qu'il faudra bien terminer un jour. Donc c'est cette réflexion en cours, et qui est vraiment une réflexion en cours, que je souhaite discuter avec vous aujourd'hui. Donc d'abord en revenant sur le contexte de la recherche et sur son cadre épistémologique, pour ensuite présenter les principaux axes d'analyse que je suis en train de développer, en me basant sur une étude plus détaillée d'une situation d'enquête dans laquelle j'ai été plongée. Donc pour commencer, je vais préciser que ce que j'entends quand je parle de réhabilitation, c'est vraiment le double sens qui est souligné généralement dans les études sur la réhabilitation, mais ici je reprends les termes de Geoffroy et Fleury, à la fois d'amélioration d'un objet et de rétablissement de cet objet dans l'estime de manière générale. Il s'applique autant au bâti qu'au savoir-faire, aux espaces et aux modes de conception, de production et d'habiter. Donc je précise aussi que le bâti auquel je ferai référence quand je parle de bâti ancien empisé, c'est un bâti qui est souvent considéré comme ordinaire, un habitat construit empisé en milieu rural ou pour le nord de l'Isère, on s'approche souvent du périurbain, sur des projets majoritairement à commande privée, je traite très peu la commande publique de la réhabilitation. Donc ce sont des maisons qui, si on reprend la catégorisation qui a été faite par Olivier Chadouin quant au positionnement des architectes sur la réhabilitation, vont se retrouver entre l'entretien de l'habitat privé et ordinaire, donc qui est normalement ici, et la réhabilitation qui pourrait être considérée par certains comme un patrimoine rural, qui va être lié à une dimension patrimoniale et créative forte. Donc cette recherche s'ancre donc dans la recherche architecturale liée à l'intervention sur l'existant. Et donc il part du principe que la réhabilitation et sa pratique interrogent les processus de production plus classiques de l'espace bâti en invitant, pour reprendre les termes d'un appel à communication qui était sorti cette année, à dépasser les seules questions patrimoniales pour aborder l'intervention sur l'existant dans ses multiples dimensions. Sa pratique interroge aussi les pratiques du projet, d'autant plus quand on y ajoute l'enjeu énergétique. Pour reprendre les termes du réseau Espace Rural Projet Spatial Paris dans un appel aux communications qui était sorti l'année dernière, elle implique d'aborder la transformation au-delà de l'échelle de l'enveloppe, penser l'évolution de l'organisation et de la densité des espaces, ainsi que des pratiques, usages et solidarités qui les émaillent, en se positionnant à l'échelle des territoires. Donc tout ça s'inscrit également dans les réflexions qui ont été menées par Jean-Yves Poussin et un certain nombre d'autres personnes actuellement sur l'évolution des métiers et des activités de l'architecture, parce que la pratique de la réhabilitation aujourd'hui se retrouve confrontée à une multiplication des acteurs, une multiplication des statuts d'expertise, et donc amène à réfléchir à l'évolution des statuts professionnels des intervenants. Donc la réhabilitation, elle est aussi soumise à des enjeux sociaux qui sont traités par la recherche en sciences humaines et sociales, qui va revenir aussi bien sur l'évolution du statut du bâti rural et le fait que la notion de patrimoine va s'étendre à ce bâti, qui va revenir aussi sur la place des acteurs et notamment sur la place des habitants dans la rénovation énergétique, qui est un sujet de plus en plus traité par la recherche en sciences sociales, et plus récemment sur les transformations que ces procédés apportent sur les savoirs professionnels. Donc l'ensemble de ces débats, ils sont d'autant plus saillants quand on s'intéresse à la réhabilitation des architectures de terre crue. En fait, la réhabilitation du bâti ancien puisé que j'étudie cristallise d'une certaine manière ces problématiques autour de fortes valeurs qui peuvent être environnementales, identitaires ou patrimoniales. On peut parler des enjeux de rénovation énergétique du bâti ancien. Ici, voilà comment isoler ces maisons. L'intérêt pour les matériaux et savoir-faire locaux, qu'on va retrouver dans la forte présence des gens à certains événements autour de ces matériaux ou de ce bâti sur le territoire. L'extension aussi de l'intérêt pour ce bâtiment qui conduit de plus en plus à sa réhabilitation et tout un mouvement de relance des savoirs autour de l'architecture de terre crue et de bon usage, de bonnes pratiques de réhabilitation qu'il faudra employer sur ces bâtiments. Donc, en fait, il va s'agir de profiter un peu de ce zoom apporté par cette cristallisation dans les milieux de la terre crue pour observer des phénomènes qui touchent une plus grande partie de la production du cadre bâti contemporain. Donc, il s'agit, à travers une ethnographie des savoirs investis dans les projets de réhabilitation du bâti ancien en Pise et en Isère, de comprendre comment l'action de réhabiliter, donc avec ce double sens que j'évoquais tout à l'heure, fait évoluer les cultures constructives, j'entends par là les savoirs, les mondes professionnels, les espaces édifiés et les modes d'habiter. Donc l'ensemble partant du constat que la complémentarité entre architecture et anthropologie est essentielle, pour reprendre les termes de Philippe Bonin, le fait social, là je cite, le fait social est rétif aux disciplines, irréductible à aucune d'elles, à aucun système théorique clos. Et je m'attache donc, pour reprendre Pierre Clément, à considérer l'architecture comme une science sociale dans ses différentes dimensions, projetée, construite et vécue. Donc dans le travail de thèse, je m'intéressais à ces différentes dimensions de l'architecture en analysant des situations qui concernent différents types d'acteurs qui se retrouvent confrontés. Donc j'étais très intéressée que ce matin, Amal parle de Jeanne Dioui. Moi, mes acteurs sont aussi effectivement confrontés à des situations problématiques de réhabilitation qui font question et qui donc appellent recherche, examen, discussion, en bref, une enquête. Ces situations problématiques, on va les retrouver autant dans les recherches d'habitants qui vont être investis dans des projets de réhabilitation, dans celles de professionnels qui tentent de mettre en œuvre des bonnes pratiques d'intervention, ou dans celles de structures de conseil ou de collectivités territoriales qui visent à prescrire et à accompagner ces pratiques. Donc l'analyse des modes de résolution de ces problèmes amène une réflexion qui s'ancre aussi dans les recherches sur le projet, ce qu'on peut appeler les design studies. Donc, pour comprendre ces projets de réhabilitation et d'une certaine manière leur pouvoir performatif, il me semble intéressant, dans la lignée de ce qui est fait aussi dans l'unité de recherche à ECC, donc d'étendre l'analyse du processus de projet au-delà du processus de conception pour y intégrer l'ensemble du processus constructif, donc de la conception au vécu du bâti, à laquelle je rajoute ce que Christian Lallier appelle la quatrième dimension de l'architecte, qui est la dimension des interactions. On le verra tout à l'heure. Donc il s'agit donc d'observer d'une certaine manière comment les acteurs se mettent en projet dans ce contexte. Donc pour ça, au niveau méthodologique, je me suis rapprochée de ma formation initiale et des chercheurs qui ont conceptualisé des méthodes d'enquête capables d'observer ces processus de projet. Donc, ce qui est relativement bien résumé dans un ouvrage de Daniel Céphale qui s'appelle « L'engagement ethnographique » mais qui reprend des méthodes élaborées par Marcus, Luckmann ou Kaysa. Donc, ce que je mets en place, c'est une enquête ethnographique localisée qui va s'appuyer sur une observation, enfin prolongée, donc, sur quand même 2 ans, c'est pas si prolongé que ça, mais j'essaye d'y aller le plus possible. Et donc l'idée, c'est de suivre les relations qui se construisent au cours d'un processus de projet en dépassant un groupe d'interactions qui pourrait être restreint au chantier ou au projet en lui-même, pour assumer le principe de circulation de ce projet dans les différents espaces qu'il traverse, le chantier, les réunions, les bureaux de l'architecte, la maison des voisins, etc. Donc pour ça, j'utilise différents outils d'observation, des visites commentées de projet, de l'observation participant sur les chantiers, dans les réunions, des récits de vie et des entretiens à différentes étapes du projet. Il s'agit d'ailleurs de projets portés par des habitants, des professionnels ou des institutions, on le verra tout à l'heure. Donc, va se poser la question qui va traverser un peu la suite de cette présentation, c'est, et que je pense qu'on se pose tous au moment où on en arrive à ce point-là dans nos thèses, c'est comment saisir dans un même ensemble la série de toutes ces données qu'on a collectées sur le terrain. Parce que de fait, même si le terrain est délimité dans le temps, il est distribué dans l'espace, en tant qu'enquêteur, on y accède de manière un peu chronologique et par des ordonnées, on découvre un peu un ensemble décousu qu'il faut organiser par la suite. Et cette question, d'ailleurs, elle apparaît de manière récurrente dans les recherches sur les processus de projet comme dans les recherches sur les processus sociaux. Est-ce qu'on peut les systématiser sous forme de cadres logiques et rationnels? Donc comment on peut traduire de manière graphique les processus et collectifs suivis afin de rendre compte des dimensions des projets de réhabilitation que sont l'espace, le temps et l'interaction? Donc vraiment ce que je ne veux pas faire ici, même si on va le voir, c'est pas si facile que ça, c'est de représenter je ne veux pas représenter un espace statique, mais en suivant des auteurs comme Henri Lefebvre ou Tim Ingold, d'approcher ce qui fait espace, ce qui le fait tenir, pour réfléchir à la construction d'une expérience de réhabilitation en chemin, où l'ensemble des parcours suivis tisserait d'une certaine manière un maillage de la réhabilitation. Donc, la représentation de ces maillages, elle se retrouve souvent confrontée à différents écueils, qui est bien résumé, je trouve, par cet article, cet extrait d'article de Bruno Latour et Albéna Yaneva, qui explique que si l'espace euclidien est bien celui dans lequel on dessine les bâtiments sur du papier, il n'est pas l'environnement dans lequel ils sont construits, et encore moins le monde dans lequel ils sont habités. C'est-à-dire que nous devrions enfin pouvoir représenter un bâtiment comme un modulateur en mouvement, réglant différents intensifs d'engagement, réorientant l'attention des usagers, mélangeant et assemblant les gens, concentrant les flux des acteurs et les distribuant pour composer une force productive dans l'espace-temps. Donc l'intérêt, effectivement, ce n'est pas le lieu singulier, mais bien l'espace relationnel qui est construit au fil du projet d'architecture et les expériences et attachements qui se constituent au fil de ces derniers. Donc on le verra ici, ce qui est intéressant, et c'est ce que je vais vous présenter après, c'est plus la portée heuristique du processus de représentation graphique que son résultat visible. Et moi, je vais utiliser la représentation graphique comme une méthode complémentaire d'analyse permettant de faire apparaître des dimensions nouvelles dans les données que j'ai collectées, et aussi finalement de faire ce procédé un peu de totalisation de mes données. Donc, au fil du terrain et des analyses, j'en suis arrivée à formuler l'hypothèse suivante qui va guider, je l'espère, la construction du plan de ma thèse. Mon hypothèse est la suivante. Les projets de réhabilitation du bâti ancien empilé participent à la création de collectifs qui constituent différents attachements autour de la réhabilitation du bâti ancien empilé et qui vont participer à l'émergence de modes d'habiter, d'identité professionnelle, de ressources patrimoniales et de ressources territorialisantes. Ne vous inquiétez pas pour les termes, je vais les expliquer au fur et à mesure qu'ils vont apparaître. Parce que cette hypothèse, contrairement à... Parfois on a des approches qui peuvent être très déductives, moi j'ai une approche qui part du terrain, vraiment, et qui est intimement liée à la démarche ethnographique, ce qui explique qu'elles sont encore en cours de stabilisation au fil de l'analyse des données que je suis en train d'élaborer. Et que je vais vous expliquer comment elles se construisent au fil de l'analyse de ces données-là. Donc, les données que j'ai rassemblées sur des projets, je les ai tout d'abord représentées avec un logiciel de carte conceptuelle qui a commencé à faire émerger des moments clés, des enjeux qui émergeaient au fil des projets, c'est ce qu'on voit sur la partie droite, des différents maillages, etc. Donc c'était très intéressant pour moi de faire ça, c'est relativement éclairant pour moi. Mais une fois que j'avais commencé à faire ça, je me suis dit bah, quand même, il va falloir caractériser un peu mieux ces collectifs qui émergent. Et puis à un moment donné, ces cartes mentales, c'est difficile de les présenter. C'est quelque chose qui est un peu complexe. Donc pour ça, je travaille actuellement sur un modèle d'analyse de ces parcours de projet. C'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En basant principalement sur le modèle de la Rose des Vents du projet de Jean-Pierre Boutinet, en essayant du coup de rendre un peu plus lisibles ces processus de projet. Je précise que tous les diagrammes que je vais vous présenter là restent liés aux données primaires pour éviter justement de les essentialiser. Donc sur cette Rose des Vents, donc, qui est située ici, il s'agit de faire émerger dans un schéma qui va évoluer en fonction du temps de projet, à la fois les acteurs et les références qui interviennent dans l'interaction, sur le cercle toujours rangé au centre, et les objets de ces interactions, qu'ils soient des actions liées au projet ou des problématiques, des enjeux qu'on va rencontrer au fil de ce projet-là. Donc je place ces éléments suivant justement les quatre pôles que définit Jean-Pierre Boutinet. D'un côté, on a un pôle technique qui vise à faire advenir un objet déterminé. À l'opposé, un pôle existentiel qui est lié à des interactions qui visent à donner du sens à ce que les acteurs sont et font. Et sur le deuxième axe, on a des acteurs et enjeux individuels qui s'opposent à des acteurs et enjeux plus tournés vers le collectif et l'institutionnel. Donc l'analyse des parcours de projet que je vais vous présenter pour discussion, c'est bien une étape dans le processus de réflexion de la thèse. Je la déroulerai en montrant comment elle fait émerger les différentes parties du travail et donc la réponse à l'hypothèse que je viens de vous présenter. Donc j'analyse principalement trois types de parcours de projet. Là, je vous en montre une sélection. Donc les premiers, c'est des parcours qui vont être centrés sur les interactions autour d'un maître d'ouvrage engagé dans un projet de réhabilitation. Le deuxième, ce sont des parcours liés à l'installation et à la pratique quotidienne de professionnels de la réhabilitation, des artisans, des architectes, des bureaux d'études, des fournisseurs. Le troisième, ce sont des parcours liés à des projets portés par des institutions, des collectivités territoriales, associations, organismes de conseil. Donc pour expliquer le processus d'élaboration de ces diagrammes, je vais détailler l'un de ces projets et je reviendrai ensuite sur les dimensions de la réhabilitation qui ressortent de terme. Donc le projet là que je vais vous détailler, il part de la vente d'une grange sur un terrain qui est voisin de deux personnes relativement âgées qui se disent bah, « cette grange est en train de se vendre, nous on n'a pas envie qu'il y ait n'importe qui vienne habiter à côté de chez nous, on a envie de faire une offre sur l'achat sur cette grange-là ». Ils en parlent à leur fils qui se dit, bah, tiens, leur fils donc, qui habite en région parisienne, qui se dit, je pourrais faire une maison secondaire dans cette grange-là, et donc commence à réfléchir à un projet de réhabilitation de cette grange. Donc, ce propriétaire est parti à la recherche d'un architecte avec cette demande. Je suis sur le point d'acquérir une vieille grange à Pisé, dans cette ville où je suis née et où habite ma famille. Je souhaite la remettre en état progressivement, tout en lui conservant ses caractéristiques traditionnelles des anciennes constructions dauphinoises. Je suis à la recherche d'un architecte capable de planifier et d'encadrer cette rénovation dans le respect des formes et des matériaux d'origine. N'ayant ni urgence ni moyens illimités, je souhaite aussi un phasage des travaux compatible avec les urgences du bâtiment, mais permettant d'étaler cette rénovation sur plusieurs années. Donc de fait, il va finalement trouver un architecte via son site internet, le contacter à travers cette demande. Finalement, un lien de collaboration va s'établir. Et cet architecte va proposer de faire un diagnostic sur cette grange pour justement répondre aux deux premiers enjeux du propriétaire, les urgences du bâtiment et les caractéristiques traditionnelles du bâti. Pour faire ce diagnostic, il fait appel à une collègue architecte, parce qu'il n'est pas, il ne connaît pas très bien ces bâtiments pisés, donc il va faire appel à quelqu'un d'autre, qui va fournir un livret aux parents, d'ailleurs un livret qui sera transmis à un voisin, qui va ensuite transmettre aussi ça, l'utiliser dans son propre projet de réhabilitation. Je vais passer un peu vite sur le projet, histoire de ne pas prendre trop de temps. Mais donc après, il y a toute une phase d'esquisse et d'estimatif. On est dans un projet là assez classique. C'est un des rares que j'ai d'ailleurs, où il y a un architecte et où ce soit cycle classique, mais en fonction de la demande du client, un estimatif est fait, en fonction du budget, de nouvelles demandes vont apparaître et des solutions vont être proposées pour minimiser l'intervention sur le bâti, conserver les ouvertures existantes. Finalement, conserver aussi le pisé apparent, c'est possible sur cette grange-là. Et pallier aux urgences du bâtiment, par exemple en refaisant la toiture. L'architecte propose ici, en fonction du budget du client, ce qu'il appelle une boîte dans la boîte. Donc on le verra un peu plus en grand tout à l'heure, mais donc c'est seulement la partie ici qui va être construite et tout le reste reste un espace libre ou un espace tampon. Choix des entreprises, ensuite, donc là, pour le coup, pour tout ce qui est maçonnerie, l'architecte va choisir un artisan avec lequel il a l'habitude de travailler, avec lequel il y a une synergie qui s'est créée. Et, après, les autres artisans vont être choisis localement, même si, selon cet architecte, ils préfèrent quand même travailler avec des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc selon les enjeux, différentes personnes vont être amenées à intervenir sur ce chantier-là. Ce qui va aussi arriver, c'est qu'au fil du chantier, un certain nombre d'autres problématiques qui vont émerger, donc que je peux aussi faire émerger sur ce type de diagramme, comme ici. En fait, ils voulaient consolider la maison, ils auraient aimé faire un chaînage avec une certaine technique, c'était hors budget, donc ils n'avaient pas la possibilité de faire ça, ils ont mis en fait des tirants qui étaient fixés avec des carottes bétonnées, même si, selon ce qu'ils me disaient en entretien, la plupart des puristes n'auraient pas du tout aimé qu'on fasse ça sur ce bâtiment, mais on l'a fait. Donc, une fois le projet livré, en tout cas, moi, quand je suis allée revoir le propriétaire, lui, il m'a fait ressortir certaines dimensions de ce projet-là, qui lui paraissaient importantes, maintenant qu'il habite dans ce logement. Et le projet est aussi revalorisé sur le site de l'architecte lui-même, forcément en valorisant d'autres enjeux ou d'autres arguments, et aussi en utilisant d'autres termes. Je précise que tous les termes qui apparaissent sur les petits points en bleu sont les termes issus des interactions avec les acteurs, ce ne sont pas mes termes à moi. Mes termes à moi arrivent dans l'analyse justement là, qui est à droite de ce processus de projet, où on voit apparaître un certain nombre d'éléments qui nourrissent la réponse à la problématique. Donc on voit émerger une transformation de l'existant, transformation des espaces édifiés, une évolution du statut du bâti aussi, qui passe de la grange du voisin à la maison secondaire, une transformation des espaces d'interaction que j'ai aussi pu observer tout au fil du chantier. On observe aussi comment se construit un collectif de projets, dans quel contexte on fait appel à un architecte pour un projet de réhabilitation, comment on choisit les professionnels intervenants, et aussi comment le processus de conception va évoluer en fonction de l'existant, à travers les interactions entre les professionnels sur le chantier, puisque cette solution de plots en béton avait été décidée en cours de chantier avec les professionnels, et en fonction des enjeux qui émergent aux différentes étapes du projet. On voit aussi émerger des controverses techniques, et puis un projet qui continue à vivre bien après la livraison. Donc je ne détaillerai pas parce que je vois que je déborde un petit peu sur mon temps, mais en tout cas, c'est des dimensions que je fais ressortir de chacun de mes parcours qui s'appliquent aux professionnels ou au suivi des collectivités territoriales. On pourra en reparler plus tard. En tout cas, la présentation de ces situations permettra justement de montrer ces différentes dimensions et comment les espaces se transforment à différentes échelles et font émerger différentes dynamiques de production, de conception, et d'habiter les espaces bâtis, et aussi comment elles se reconfigurent face aux différents enjeux de la réhabilitation. Donc une fois confrontée, l'analyse de ces situations permet également de faire émerger ce qu'on peut appeler des disputes, pour reprendre les termes de Nifkeux, c'est-à-dire un répertoire des possibles que chacun peut emprunter quand on se retrouve confronté à la question de savoir réhabiliter. Donc c'est des disputes qui peuvent être technique. Donc là, j'ai repris sur le même schéma. Donc la grosseur des points, c'est le nombre de fois qu'elles apparaissent dans les 8 projets que j'ai présentés tout à l'heure. Donc plus ils sont gros, plus c'est des choses qui sont apparues dans ces projets-là. Donc ces controverses vont se dessiner autour de thématiques comme le diagnostic, l'isolation, la sécurisation du bâti, le choix des matériaux ou l'humidité, donc vont être liées aux techniques à mettre en œuvre en réhabilitation. Mais c'est aussi des controverses qui vont porter sur les enjeux de réhabilitation et sur la qualité que devraient avoir ces dernières. Par exemple, est-ce qu'on doit faire une rénovation énergétique, restaurer le bâti ou conserver le pisé, etc. Toutes ces problématiques qui se posent au fil du chantier, elles sont liées à des techniques et des modalités d'intervention sur le bâti qui sont encore peu stabilisées et qui conduisent à des positionnements professionnels qui sont différents. Donc, ce qu'on remarque aussi, donc, il y a un deuxième type de dispute, c'est qui réhabilite, qui va être considéré comme légitime à intervenir sur ce bâti-là. Donc, on peut voir qu'on a différents types d'entreprises, des personnes qui vont travailler seules, associées, en collaboration plus ou moins formelle, des professionnels qui font le lien les uns avec les autres, et des collectifs qui vont se créer autour de certains acteurs, et différents aussi positionnements professionnels, en fonction justement de là où ils se placent, plus dans l'action individuelle ou plus dans une militance à dimension collective ou existentielle. Donc il y a des pratiques, des références, des enjeux, des questionnements qui vont se retrouver selon les professionnels, qui peuvent être plus ou moins clivantes. Par exemple, tout à l'heure, il y avait ces questions de certains puristes qui n'accepteraient pas un certain nombre de pratiques sur le PISE. Donc comment ces disputes vont se traiter. Et aussi, une interconnaissance qui fait émerger des mondes professionnels qui seraient liés à des enjeux similaires. Par exemple, quand on se reconnaît comme professionnel de l'architecture de terre, ça va impliquer un certain nombre de références communes, comme celle de travailler autour d'un matériau particulier, de travailler sur le PISE, ou hors des protocoles parfois standardisés, de repositionner les savoir-faire sur le chantier, et de prôner un certain sens du métier. Donc la dispute porte finalement sur l'objet qui va être réhabilité. Est-ce qu'on réhabilite des pratiques, des savoir-faire, l'usage de certains matériaux ou des métiers, un habitat, des relations sociales, un patrimoine familial ou un espace à soi, un bâti quotidien, un bâti ancien ou un patrimoine, ou des compétences locales, l'habitabilité ou l'identité d'un territoire. Donc, pour conclure, la manière de se positionner au sein de ces disputes dans les parcours de projet semble faire émerger des attachements qui donnent contour à des collectifs un peu mouvants suivant les parcours, les rencontres, les engagements et les prises des individus dans la situation. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de représenter ces collectifs. Enfin, je ne vais pas le faire maintenant dans la présentation, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse dans la thèse, de mieux les représenter, pour représenter par quoi ils sont liés. Mais enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai quatre dimensions. C'est justement celles qui m'ont amené à mon hypothèse aujourd'hui. Donc, des collectifs qui vont se construire autour de manières d'habiter, autour d'identité de professionnel, voire d'identité de métier, autour d'attachements patrimoniaux ou autour de ressources territorialisantes, c'est-à-dire certains acteurs ou certains lieux qui vont créer du territoire et de la territorialité. Et merci. Merci Léa. Comme d'habitude, c'est notre dernière intervention. Bon, écoutez, vous n'avez pas répondu à la question. Alors, bon, ça tient. En fait, justement, c'est-à-dire que la question est en un double sens, elle traite à la fois les problématiques que les gens se posent. Donc, toutes ces enquêtes en fait, que je suis en train de suivre sur toutes les questions que les gens se posent sur le projet de réhabilitation, c'est de demander comment ça tient et puis surtout comment ça va tenir quand j'interviens dessus. Et puis, il y a effectivement le double sens que moi j'apporte, je pense, dans la thèse, enfin que j'essaye d'apporter en tout cas, qui est comment tous ces collectifs-là tiennent ensemble et font en sorte que finalement ce bâti ancien épuisé peut continuer à se perdurer en tout cas. Alors moi j'ai plusieurs questions à vous poser, des questions qui sont dans le film du discours et d'autres qui sont plus générales. Dans le film du discours, il y a une chose qui moi m'a beaucoup étonnée. Enfin, d'abord, je trouvais que vous aviez, pour quelqu'un qui n'a pas de formation a priori en dessin, vous avez une présentation qui est très visuelle et plutôt bien présentée, donc c'est assez remarquable. Le fait de travailler avec des architectes depuis 3 ans, comment les architectes qui vous ont aidé. Non, alors, une question qui m'a un peu étonnée, moi, vous dites je vais dépasser les seules questions patrimoniales. Alors, là, excusez-moi, mais sur ce dépasser les seules questions patrimoniales, c'est déjà pas si simple. Donc, je trouve que là, vous allez un peu vite sur un sujet qui n'est pas le vôtre, peut-être, mais qui, néanmoins, est un sujet sur lequel peut-être il faudrait un tout petit peu vous pencher, parce que, quand vous dites dépasser les seules questions patrimoniales, il y a tout un champ de questionnements liés au patrimoine qui sont un peu celles des questions que vous posez aussi, c'est-à-dire à la fois les questions d'attachement, mais les questions de savoir-faire, les questions... Si vous êtes, par exemple, face à un bâtiment et que le savoir-faire n'existe plus, il est construit de telle ou telle manière, avec je ne sais quelle technique, qu'on ne sait plus manipuler ou alors coûte trop cher, que ce soit la terre, le plâtre, le bois, je ne sais quelle forme de métal, c'est pareil. Donc, en évacuant comme ça, au début du discours, la question patrimoniale, alors que finalement vous ne cessez de parler de ça, c'est un peu compliqué. Oui, je pense que c'était plus un problème de rhétorique. De rhétorique, oui, parce qu'en fait, c'était juste pour montrer que ce sujet était un enjeu qui traitait de plusieurs domaines. En fait, quand il parlait dans cet appel à communication de dépasser la question patrimoniale, c'était plutôt de dépasser la question de intervenir sur la réhabilitation, sur l'existence, seulement sur une intervention de type monument historique et objet considéré comme du patrimoine canonique. En tout cas, dans l'appel à la communication, c'était rédigé. Alors peut-être, mais pour là, il faut prendre les choses avec des pincettes. Effectivement, je l'ai peut-être. Parce que le patrimoine aujourd'hui est loin, pour les communes notamment, est loin de se résumer au patrimoine classé. Et puis, tout ce que. On parle mon point de vue est justement au moins 20 ans. On parle. Sans parler du petit patrimoine technologique, sans parler de. Bien, le patrimoine, maintenant, il se niche partout. Oui, de toute manière, je m'entre totalement dans une réflexion sur ces questions patrimoniales. Voilà, si vous voulez, là, effectivement, c'était un problème. C'était un peu bizarre. Moi, j'ai mis 3 points d'interrogation, c'est déjà pas si simple, quoi, cette question patrimoniale. Donc, voilà. Alors après, oui, il y a la réhabilitation soumise à des enjeux sociaux, bien sûr, les débats, bien sûr, les méthodes d'enquête, bien sûr, tout ça. Ce que vous voulez faire. Moi, ce qui me pose un peu plus de questions et qui m'embête un peu peut-être, c'est que tout ce que vous avez dit aurait pu s'appliquer à du patrimoine en pierre, du patrimoine en plâtre, etc. Et que peut-être, alors que je pense que le biset, c'est spécial. Je pense que le biset, c'est spécial parce que c'est pas un matériau qui a véritablement mis à part l'exemple de Gilles Perraudin, François Jourdain, Anne Hidalgo, qui n'a pas suscité vraiment un intérêt comme un matériau contemporain, sauf quelques rares exceptions, et qui pourtant, avec des critiques qu'on connaît sur son caractère, s'il faut l'entretenir, etc., etc. Et néanmoins, il y a des bâtiments qui ont été conservés, il y en a qui sont parvenus jusqu'à nous, et donc c'est pas... Moi je pense que vous avez un tout petit peu peut-être sous-estimé le caractère très particulier, en tout cas dans votre discours là aujourd'hui, le caractère très particulier du biset par rapport à notre matériau. Tout ce que vous dites pourrait franchement s'appliquer, l'appel à des diagnostics, etc., tout le schéma que vous déroulez avec vos figures là, pourrait s'appliquer à n'importe quel matériau. Or, moi je pense que le biset c'est spécial. Oui, alors si je peux justement, effectivement c'est... C'est aussi un biais de présentation parce que j'en arrive aussi à un moment de la thèse où j'ai tellement de détails qu'à un moment donné, dès que je monte en généralité, mais du coup, on peut en. Alors, vous voulez que oui, je finis, je vais parler de ça. Et pourquoi c'est spécial? C'est spécial parce que il y a des qualités qu'on a redécouvertes qui étaient liées à ce matériau et à la fois, il est quand même très, très peu décrit par les entreprises traditionnelles, il fait l'objet peut-être de pratiques alternatives. Moi, j'ai un étudiant qui est parti une fois en stage pour apprendre à construire en terre et qui voulait tout construire en terre. Enfin, il y a quelque chose autour de la terre et du puiser qui n'est pas le lot commun de la construction. Et dans la manière dont vous avez présenté, vous avez un peu écrasé ça. Et, alors que dans les collectifs, il y a par exemple des gens qui, quasiment bénévolement, organisent des stages pour les jeunes architectes, enfin, en tout cas, mon étudiant était passé par là, ou une espèce de vision de l'architecture sans. On parlait tout à l'heure des objets numériques qui auraient supprimé, effectivement, les outils numériques qui suppriment le temps entre la conception et la construction. L'architecte qui construit en terre, quasiment, il met ses pieds dans la terre. Enfin bon. Peut-être pas en vrai, mais dans l'imaginaire des étudiants. Et là, vous en parlez un peu, bon, ben voilà, oui, mais bien sûr, il y a des spécialistes, il y a des diagnostics, et tout ça, si vous voulez, ça pourrait fonctionner pour n'importe quelle réhabilitation, de n'importe quelle maison, même une maison des années 60, même une maison en béton, en parpaing. Et en fait. Alors, quoi, c'est spécifique alors? Et justement, alors après, là, je me suis auto-pressée par le temps, parce que j'ai encore du mal à tout présenter sur la présentation, mais tout l'intérêt justement de ce collectif professionnel, de professionnels en tout cas que je voulais présenter, s'ils se sentent différents, attachés au métier, aux valeurs du travail, est très très lié au choix justement d'un matériau et au fait de se reconnaître comme spécialiste du pisé et à agir sur ce pisé-là. Et en fait, la sécheresse de cette représentation-là qui assèche un peu votre discours. Mmh. Parce que c'est quand même une représentation très abstraite. Tout cet enthousiasme militant, c'est quasiment un truc de militant, cette histoire de la Terre aussi. Oui, alors, aujourd'hui, justement... est un peu asséché, là. C'est remplacer pisé par pierre, ça marche. Oui. Je prends note, en tout cas, du défi. Pourquoi c'est spécifique, cette histoire de pisé? Mais de fait, tous ces collectifs-là, en tout cas, sur ce territoire-là, et ces attachements patrimoniaux se font... parce que c'est du pisé, justement, et c'est ça qui fait tenir le pisé. Il y a des enjeux spécifiques qu'elle n'a pas présenté. Oui. Après, effectivement, il y a aussi toute cette cristallisation se fait autour du pisé. Après, la plupart du temps... Oui, mais vous ne l'avez pas montré. Je ne l'ai pas présenté, là, je pense. Mais du coup, c'est pour ça que je le complète. Mais merci. Je note. C'était de positionner les choses. Toi, tu as terminé vraiment la complexité du centre, complexité radiale du schéma. Mais je trouvais très compliqué de positionner quelque chose dans la gradation entre le niveau technique et le niveau existentiel. Et je suis curieux de savoir comment tu l'as fait. Est-ce que c'est un... Je ne sais pas, est-ce que ça se croise avec le côté individuel et sociétal? Je trouve ça très difficile à positionner, en fait. Pour moi, on est l'un ou l'autre, on est dans des considérations très métaphysiques ou éthiques, en tout cas, dans des considérations très matérielles. Et je trouve, par contre, que la manière dont tu les positionnes après, dans ce que ça fait émerger, est assez justifiée, mais je trouvais ça... un petit peu difficilement positionné sur les projets même, et notamment du côté un peu existentiel. J'arrive pas à savoir si c'est parce que dans tes données, c'est peu évoqué cette chose-là, et qu'on parle beaucoup de matériel très vite, ou c'est que je ne sais pas trop. Tu trouves que la dimension existentielle n'est pas trop... Je trouve qu'elle est difficile à définir, et à la limite, j'ai une question, c'est comment les gens, de la matière, comment les gens arrivent à exprimer ça? Qu'est-ce que tu as comme retour? Parce qu'on a fait des suppositions, des conclusions, toi, que tu as positionnées là-dessus. Et comment les gens, on parle de ça et on fait émerger ça? Comment arriver aux conclusions de ce côté-là? Parce que les conclusions très pratico-pratiques, on les conçoit assez facilement, mais les conclusions éthiques, un peu plus difficilement. En fait, c'était surtout quand la plupart des points à les passer sont issus des entretiens et des discussions qu'on a eues. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, les points ne sont pas placés là de manière absolue, donc ils bougent au fil du projet. Et donc, je suis restée quand même sur ce qu'on voit sur ce schéma, ils sont tous au bord, on reste quand même dans quelque chose d'assez binaire, c'est-à-dire c'est plus existentiel ou plus de l'autre côté, plus technique. Mais en fait, c'était plutôt quand il y avait vraiment cette dimension du sens que les acteurs donnaient à leur pratique. C'est-à-dire quand derrière, il y avait un sens supplémentaire de seulement faire une action technique. Même si chaque action technique peut avoir un... J'avoue que j'ai trouvé ça très stimulant de faire ce travail-là, de passer tous ces points et tout, pour cette présentation-là, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses pour faire sortir des dimensions de la thèse. Je ne suis pas sûre que ce soit la présentation finale et que j'en puisse ressortir après, parce que je trouve que finalement, après, je suis revenue à ma carte mentale et je trouvais qu'elle était beaucoup plus... on pouvait beaucoup mieux rentrer dans les données, il y avait cette diversité, il y a des photos qui apparaissent, il y a beaucoup plus de matière. Sauf que forcément, on se rend compte de ça par la fin. Et en fait, je pense que toute cette dimension où la technique et l'existentiel se rejoignent très très fréquemment, en fait, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les dissocier. Je pense que c'est une étape de les dissocier, mais. Puis c'est l'écriture constructive. Voilà, je pense que dans la fin, ils ne le sont pas. Oui. Ouais, merci beaucoup Léa. Déjà parce que je me place dans un espace disciplinaire qui est assez familier. Donc, alors, je vais aller un peu dans le même sens que Virginie, mais l'autre. Alors, on a déjà discuté cette question ensemble de cette question de la représentation graphique. Pour moi, c'était assez abstrait ce que tu voulais faire. Et là, je sais du mieux. Déjà, dans le même sens que Virginie, parce qu'effectivement, je pense que le centre n'est pas bon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu nous as fait un tour de passe-passe par rapport à ce que tu avais annoncé dans le programme. Tu as enlevé un mot de ton titre. Tu as enlevé l'attachement, oui. N'est-ce pas? Comment ça tient ensemble, effectivement, la question de l'attachement, j'imagine que tu empruntes à Aignan. Oui. Oui, Aignan, repris par Jean-Claude Théa. En tout cas, du côté du Centre de sociologie et d'innovation, où il y a un aspect central dans les objets de recherche investigués, ce sont précisément les objets. Et là, le PISE, à mon avis, le PISE devrait être central, devrait être un actant à proprement parler. De la façon dont tu racontes ces histoires. Et du coup, occuperait la place centrale de ce roman-là. C'est à partir de lui que les attachements se mettent en place, se déplient, vont de d'un acteur à l'autre. Et je crois que ce serait une autre manière de raconter ces histoires et qui mettrait vraiment le pisé au centre. Et parce que c'est sans doute lui qui fait tenir les différents acteurs ensemble. Et du coup, je pense que si tu le mettais vraiment au centre, du coup, tu n'aurais pas besoin de reprendre cette représentation graphique empruntée à d'autres situations, en fait. Et parce que ça va à l'encontre, je crois, de ce que tu nous as dit, c'est-à-dire de la perspective ethnographique qui est vraiment issue du terrain. Et là, qu'est-ce que le terrain te dit? Il te dit que c'est le pisé qui est au centre. Je ne sais pas si je pense que tu vois ouais. Ce que je veux dire. C'est très tourné comme hypothèse. Mmh. Oui, mais c'est totalement ça. Hein, pour moi, c'est le pisé qui peut tenir ses collègues. Oui, oui. Effectivement, du coup, c'est tellement presque évident que j'ai oublié de la mettre. C'est pour ça que tu l'as fait un peu beige, tu vois. Merci. Manuel, et du coup, je vais enchaîner parce que, enfin, on a commencé une discussion ce midi et en fait, ça peut-être va un peu maintenant. Bon, la discussion, c'était qu'on n'était pas vraiment d'accord. C'était est-ce que la recherche en architecture, c'est forcément une recherche en sciences sociales? Et donc, toi, tu disais oui, et moi, je disais non, sachant que j'ai beaucoup moins de bagages épistémologiques que toi. Mais par contre, en fait, je trouve que dans la situation, c'est assez intéressant de se poser la question, parce qu'il y a un premier aspect, c'est est-ce que la culture constructive fait seulement partie des sciences sociales? C'est-à-dire, est-ce que la culture constructive, ce n'est que des sciences sociales? Je suis pas sûre. Bon, moi, je suis architecte, je suis pas sûre, de mon point de vue. Et ensuite, il y a un autre truc que tu dis dans ta présentation qui rejoint la question technique existentielle, le pôle qui n'est pas si clair que ça. Tu dis à un moment que l'espace euclidien, c'est un espace abstrait qui n'est pas une réalité. L'espace relationnel, c'est la même chose. Alors après, la deuxième chose, enfin du coup, par déduction, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est l'architecture qui fait tenir ensemble l'espace euclidien et l'espace relationnel? Et du coup, ça rejoint cette question de est-ce que l'architecture, c'est forcément que des sciences sociales et est-ce que l'architecture. Et est-ce que l'architecture, et que la culture constructive, c'est forcément aussi que des consciences sociales? Parce que du coup, pour moi, dans la tension entre la technique existentielle, le sens, les mathématiques, enfin, je ne sais pas, on peut faire plein de binômes comme ça, il y a quand même un truc un peu bizarre à séparer tout ça quand on est architecte. Et pour moi, en tant qu'architecte, ce qui fait tenir tout ça, c'est l'architecture, en fait. Qui n'est pas dans un pôle ou dans l'autre. Sachant que je ne peux pas justifier plus que ça. Je passais l'odeur vers la chose. Oui, moi, je pense que c'est une bonne discussion, en tout cas prolongée. Mais je n'ai pas dit que l'architecture n'était qu'une science sociale. Hein. Pas la recherche en architecture. La recherche, même que. Mais en tout cas, que la recherche en architecture, moi, je la prends sous l'angle de la science sociale, mais elle n'est pas que ça, elle ne réduit jamais que ça, ça. Mais du coup, en fait, la question que ça pose, c'est la culture constructive, comment on l'aborde ? Parce que par définition, est-ce qu'elle peut. Enfin, c'est pas que c'est pas pertinent de l'aborder par la science sociale, évidemment, ça l'est, mais du coup. C'est une pensée de la technique qui est un peu étrange, penser la technique depuis les sciences sociales. Enfin, il y a un truc pour moi qui me. Bah, les sciences sociales ont de très tôt pensé la question technique en fait. Oui, mais la question technique était antérieure. Ouais, bah, peu importe, en fait, c'est pas une question de hiérarchie, c'est juste une question de tension entre des pôles. En fait. Ouais. Comme entre la technique et l'existence. Mais effectivement, je pense que. Vous connaissez qu'une. La tension n'est pas aussi. Je ne sais pas si on peut enlever l'attention en fait. Elle existe quoi. On est toujours au milieu. Et puis il semble un peu au milieu entre. Il est totalement au milieu. Ouais. Merci. Merci. Bah oui, non, mais c'est ce que j'allais répondre. Et sur laquelle on a envie de discuter, c'est peut-être des choses qu'on peut en tout cas proposer, on va voir si ça intéresse effectivement des gens. Mais oui, effectivement, pour moi, c'était important de discuter de ce truc-là qui me trotte un peu dans la tête, de comment le faire, parce que c'est pas du tout évident. Et donc, je suis contente de pouvoir partager avec vous, en tout cas, on verra bien ce que ça apportera, mais merci.